Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. January of 1929. And I had three children born there. Épisode 1, le choc de la dépression. Why, it was chaos, I'll tell you, it was terrible. Tout d'un coup, une après-midi en octobre 29, je vaquais à mes affaires. J'ai entendu les petits vendeurs de journaux crier, ils couraient dans les rues et répétaient « La bourse s'est effondrée, la bourse s'est effondrée. » Il a lancé sa propre firme automobile et il a coulé. C'est tombé comme la foudre. Et quand le crack est arrivé, il s'est effondré comme les autres. Ma mère et mon père ont divorcé. Mon père était producteur de cinéma en Californie. 1969. Ma mère m'a emmené là-bas. Mon magnétophone et mon micro comme bâton de pèlerin, je marche et me pose près de citoyens américains qui ont vécu la Grande Dépression. J'écoute, je questionne des femmes et des hommes, riches ou pauvres, de toutes origines sociales, de toute ferveur, histoire, déchirure, combat. Je leur pose et me pose avec eux quelques questions simples. Je veux aussi en voir d'autres qui n'ont pas connu la Grande Dépression. Nous sommes en 69, nous retournons en 29. Maintenant on dit la crise ou la crise internationale, on ne dit plus la dépression. On ne veut peut-être plus dire la dépression. Le crack, c'est pas arrivé en un jour. Il y a eu beaucoup de signaux d'alerte. Le pays était devenu fou. Qu'on ait les moyens ou pas, tout le monde avait des actions en bourse. Les cireurs de chaussures, les serveurs, les capitalistes, tout le monde. La majorité des gens was hit and hit hard. They were mentally disturbed, you're bound to know, because they didn't know. Hard times come again no more. Les paroles de la chanson de Stephen Foster ne cessent de me hanter. Nous sommes au début de l'année 1969, et pourtant les sales années 1930 se rappellent à moi. Pourquoi cette pensée pleine d'appréhension ? Les informations du soir et les rubriques que financent nos journaux les plus respectés nous informe via les porte-paroles du gouvernement que la situation a rarement été aussi bonne. Et l'expression « l'année du boom » fait de temps à autre les gros titres dans un esprit de joyeuse prophétie. Il est vrai qu'apparaissent quelques signaux d'alarme. On parle ici et là de déficit. Oh, le mot « déficit » est assez mystérieux, il évoque le jargon comptable, rien à voir avec la faim ou les sans-abri. Ces mots-là, ces mots fantomatiques, sont généralement relégués en fin de journal dans les pages société, à côté des dernières nouvelles des célébrités et des critiques de spectacle. Bien sûr, on ne peut éviter de voir le visage de ce fermier surpris par la caméra de télévision. On le connaît, c'est ce gars de l'Iowa, ce désespéré qui a tué son voisin, puis a retourné l'arme contre lui. Je crois qu'un petit employé de banque y a eu droit lui aussi. Ce n'était d'ailleurs pas sa faute. Il était aussi égaré que l'homme qui l'a tué. Tout ça les dépassait. « Qui dois-je tuer ?» s'écrie Murray Graves, le personnage à moitié fou de Steinbeck, tandis qu'on le chasse de sa terre au bulldozer. « Mon Dieu, je l'ignore !» réplique l'employé de banque de la ville qui lui-même est en train de devenir fou. Murray Graves était un petit fermier des années 30, l'homme de l'Iowa, un petit fermier des années 70. Si 40 ans les séparent, ils ont été poussés à bout par la même chose, l'incapacité à payer. Jamais depuis la Grande Dépression, le petit exploitant n'a connu de telles difficultés, un tel désespoir. Ils sont des milliers de plus en plus amers à cueillir les raisins de la colère. Si l'aide ne vient pas d'un côté, disons du gouvernement fédéral, alors ils la chercheront ailleurs. Il y avait aussi de la colère et de la ferveur dans les années 30, mais avec une petite différence. Il y avait une conscience des causes, une conscience qui n'a cessé de diminuer durant 40 ans d'amnésie. Dans les années 30, le gouvernement a reconnu qu'il y avait urgence et a apporté son aide. Aujourd'hui, il se contente de sourire. Le journal d'aujourd'hui fait part d'un nouveau record de hausse à la bourse. L'année sera bien meilleure que nombre d'économistes ne l'avaient prédit. Cela nous rappelle vaguement quelque chose. Hard time. know, I can remember when the majority of the people was hit and hit hard. You watch the papers, you listen, mentally disturbed, you down. Ben Isaacs, lui, est encore bouche bée quand il se rappelle octobre 1929. Tout d'un coup, une après-midi en octobre 29, je vaquais à mes affaires. J'ai entendu les petits vendeurs de journaux crier, ils couraient dans les rues et répétaient « La bourse s'est effondrée, la bourse s'est effondrée ». C'est tombé comme la foudre. C'est bien vivant dans ma mémoire. Nous sommes dans une maison avec un jardin et un patio, dans une banlieue de la classe moyenne, à l'extérieur de Chicago. Je travaillais en indépendant. Je vendais des vêtements à crédit au porte-à-porte. Et je me faisais payer en fin de semaine. Jusque-là, les gens achetaient et payaient sans problème. Mais ils avaient commencé à se poser des questions, et je l'avais senti. Mes affaires avaient chuté à partir de 28. C'était surtout des gens de la classe moyenne, ni très riches, ni très pauvres. Quand j'ai appris le crack, j'étais en route pour voir un client, ça ne m'a pas beaucoup affecté. Je ne spéculais pas sur le marché. Bien sûr, j'avais investi un peu d'argent dans l'immobilier et dans les obligations or, comme on les appelait, parce que j'avais plus confiance dans l'or que dans la bourse. La bourse, ça va, ça vient. Mais les obligations or, ils m'avaient dit à la banque que c'était pareil que l'or, que ça ne perdait jamais sa valeur. Plus tard, j'ai appris à mes dépens que ce n'était pas vrai. Tout à coup, mes obligations n'ont plus valu un sou. Ces banques, elles prenaient les économies des gens. Je soupçonne les banquiers d'avoir été au courant. Ils faisaient ça pour leur profit personnel. S'il n'y avait pas eu le crack, ça aurait probablement continué. Pas mal de ces banques ont fermé du jour au lendemain, on a tout perdu. C'était l'époque où je faisais 400-500 $ la semaine. Après, j'avais du mal à trouver 10-15 $. Alors j'ai pris davantage de clients, espérant gagner assez pour nourrir ma famille. J'avais 3 enfants en bas âge. Je fumais et je n'avais même plus de quoi acheter des paquets de cigarettes. Je n'avais plus un sou en poche. Bientôt, on a commencé à me parler de l'aide sociale. Ils avaient ouvert des soupes populaires. À 2 blocs de chez nous, au coin, on pouvait avoir un bol de soupe. Pas mal de gens se sont suicidés, ont sauté des immeubles et se sont tués, parce qu'ils ne supportaient pas la honte. Finalement, ça a été pareil pour moi. J'étais si abattu que je ne pouvais penser à rien. Où est-ce que je pouvais aller? C'était quoi mon avenir? Je connaissais une famille ici, à Oklahoma City. Un homme et une femme avec 7 enfants. Ils vivaient dans un trou dans le sol. Ah, vous auriez été surpris de voir à quel point c'était bien. Vu mon âge, je ne pouvais pas trouver de travail. Je n'avais pas de métier, sinon celui de vendre. Et c'était tout. J'ai essayé de trouver un boulot de représentant de commerce. Personne ne voulait m'embaucher à cause de mon âge. J'étais à sec. Les portes se fermaient les unes après les autres. Comme si la malchance avait posé sa main sur mon épaule. Je pouvais essayer n'importe quoi, tout ratait. Je n'étais plus capable de réfléchir. Je m'inquiétais pour ma famille, mais pour des tas de choses. Je marchais dans les rues, l'air de rien, mais je ne savais ni où aller, ni quoi faire. Je ne voulais pas être assisté. Croyez-moi, quand j'étais obligé d'aller au bureau d'aide sociale, j'en pleurais. Je ne pouvais pas supporter de prendre de l'argent à quelqu'un sans travailler. Sans les enfants, je vous dis la vérité. Plusieurs fois, j'ai pensé à me suicider, plutôt qu'aller réclamer de l'aide. Mais quelqu'un devait s'occuper de ses gosses. Je suis allé au bureau d'aide. Et après beaucoup de paperasse et un entretien, ils m'ont donné 45 dollars par mois. Sur ces 45 dollars, il fallait payer le loyer, de quoi manger et de quoi habiller les gosses. Je payais déjà 30 dollars de loyer. Alors j'ai trouvé un appartement moins cher, avec un poêle en guise de chauffage, à 15 dollars par mois. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, même un chien n'accepterait pas de vivre là-dedans. C'était sombre, sale, affreux. Je ne pouvais acheter un peu de viande qu'une fois par semaine. Je faisais ça le samedi. Le reste de la semaine, on se contentait des os. J'avais beau chercher du travail, je n'en trouvais pas. J'ai essayé de vendre des lames de rasoir et des lacets de chaussures. Il y a des jours où je faisais toutes les rues et je revenais chez moi avec 50 cents quand j'avais fait une vente. Alors pour vous, ça a été dur entre... 28 et 44. Je me rendais compte que vraiment beaucoup d'autres personnes étaient dans le même bateau. Ça me donnait un peu de courage. Souvent, quand une famille avait de la nourriture, elle la partageait. Et tout le monde en avait un peu. Même les gens qui s'en sortaient bien, ils avaient honte. Parce que eux, ils mangeaient et que les autres, non. En regardant ces gens qui faisaient la queue pour toucher leur aide, je me disais, mon Dieu, je ne suis pas le seul. Il y avait des gens vraiment aisés. Et eux aussi, ils s'étaient effondrés. Mais je détestais ça. Au fond de mon cœur, j'ai toujours prié pour vivre sans être dépendant de personne. Quand c'est arrivé, ça m'a blessé. Je ne le supportais pas. La honte, pire que ça. Fallait faire la queue. Je regardais à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y avait personne qui puisse me reconnaître. C'est la seule cicatrice que ça m'a laissée, ma fierté. Ma fierté. Et vos amis, vos voisins? Pour eux, c'était la même chose. Pareil. Beaucoup d'entre eux sont à l'aise aujourd'hui. Et beaucoup ont bien plus d'argent que moi. Mais à l'époque, on vivait tous de l'aide sociale. Et ils essayaient eux aussi de vendre des lames de rasoir et des lacets de chaussures. On se rendait visite, c'était le seul moyen de noyer notre chagrin. On vivait tous à un bloc les uns des autres. On se rendait visite, on s'asseyait, on discutait, on plaisantait. On essayait d'être de bonne humeur. Aujourd'hui, nous vivons loin de nos amis. À l'époque de la dépression, en ce temps-là, nous étions tous pauvres. Une fois que les choses sont allées mieux, et que les gens sont devenus plus riches, que tout le monde a eu sa maison dans des quartiers différents, on s'est éloignés les uns des autres. Ça a duré pratiquement jusqu'en 40. En 39, la guerre a éclaté, les choses ont commencé à aller mieux. Ma femme a trouvé un travail dans un restaurant à 20 dollars la semaine. Aussitôt, j'ai envoyé une lettre à l'aide sociale, disant que je pensais n'avoir plus besoin d'eux. Ça me dégoûtait. J'avais honte. Je ne le supportais pas. Mon voisin de palier m'a trouvé du travail dans l'usine où il travaillait. À ce moment-là, j'avais la cinquantaine. Ils m'ont embauché. Ils me donnaient 60 cents de l'heure. Les gars de 20 ans touchaient 70, 75 cents. Ils étaient à court de main-d'œuvre, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. J'ai lu dans le journal que dans une autre usine, ils payaient 1 dollar de l'heure. J'ai pris le tramway pour postuler. En chemin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose m'est passé par la tête. Je me suis dit, je vais reprendre mon ancien travail. Quand j'avais travaillé à l'usine et que ma femme travaillait pendant tout ce temps, j'avais mis $400 de côté. Alors, je les ai investis pour reprendre mon métier. Les choses avaient changé. J'étais de retour. Ouais. J'étais de retour. C'était fin 44. Si j'étais resté à l'usine, j'aurais probablement été obligé de retourner au bureau d'aide sociale. Il y avait des milliers de gens sans travail à Oklahoma City. Ils ont organisé une soupe populaire. La nourriture était saine. Vraiment délicieuse. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Des gens de couleur et des blancs. Ça faisait pas de différence. Parce qu'il y avait autant de blancs sans travail que de gars de couleur. Ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient accumulé depuis toujours. Ça, on ne peut pas le contester. Née au Kentucky, Mary a épousé un gars de l'Oklahoma. Il ne cesse de déménager du Kentucky à l'Oklahoma et vice-versa, 3-4 fois de suite. De 1929 à 1936, ils vivent dans l'Oklahoma. Mary Osley est connue ici comme porte-parole des Blancs pauvres du Sud. Ah, les Pecnos montent ici, restent un an ou deux, puis se font casser la gueule. Et ils réalisent que le fait d'être blanc ne veut pas dire ce qu'ils ont toujours cru que ça voulait dire. Je me souviens, plusieurs familles avaient dû partir dans des fourgons. Pour la Californie, je crois. Le boom pétrolier a lieu en 29. Les gens arrivaient de partout. Quelques années plus tard, ils vivaient dans tout et n'importe quoi. Des tentes, des cabanes, des vieilles tôles qui ramassaient ici et là. Tout ce qu'ils pouvaient trouver et réunir pour faire un mur, s'isoler un peu. Je connaissais une famille ici, à Oklahoma City. Un homme et une femme avec 7 enfants. Ils vivaient dans un trou dans le sol. Ah, vous auriez été surpris de voir à quel point c'était bien. Dans ce trou, ils avaient des chaises, des tables, des lits. Ils avaient enlevé toute la saleté. C'était comme une grotte. Les tempêtes de poussière étaient terribles. Tu pouvais laver ton linge et le mettre sur le fil. Si tu n'étais pas à la maison pour le ramasser avant que la tempête arrive, tu ne pouvais plus le récupérer. Il y avait du pétrole dans le sable. Ça colorait les vêtements de la couleur la plus horrible que j'ai jamais vue. Ça les bousillait complètement. Il n'y avait vraiment plus rien à en faire. Avant que mon mari perde son travail, c'était bien chez nous. Ah, c'était pas une maison en briques, hein, mais c'était presque ça. Ces tempêtes, quand elles frappaient, il fallait laver la maison de la cave au grenier. Tout était recouvert de sable. Du sable rouge. Plein de pétrole. La majorité des gens étaient touchés. Et durement. Ils étaient mentalement perturbés. Il faut que vous vous représentiez bien ça. Parce qu'ils ne savaient pas quand ça finirait. Autour de moi, il y a eu beaucoup de suicides. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir. J'en ai bien connu certains. Les uns étaient des fermiers et d'autres étaient même des hommes d'affaires. Ils se sont retrouvés ruinés. Ils se sont suicidés, tellement le choc a été rude. Souvent, quand une famille avait de la nourriture, elle la partageait, mais tout le monde en avait un peu, Même les gens qui s'en sortaient bien, ils avaient honte. Parce que eux, ils mangeaient et que les autres, non. Mon mari était très amer, moins qu'on puisse dire. C'était un homme intelligent. Il ne comprenait pas comment, dans un pays aussi riche que celui-ci, il pouvait y avoir autant de gens qui n'avaient rien à manger quand il y avait tant de choses, du blé et tout le reste, qu'on jetait à la mer. Mon mari est allé à Washington. Il a manifesté à Washington. Il avait été mitrailleur pendant la guerre. Quand il est revenu de la Première Guerre mondiale, ça l'avait tellement perturbé qu'on passait notre temps à aller d'un endroit à un autre. La tragédie de la guerre le hantait tellement qu'il était bien nulle part. Il disait que ces salauds d'Allemands l'avaient gazé en Allemagne. Là, il est revenu et son propre gouvernement l'avait gazé à son tour. Et avait failli le noyer à coup de lance à incendie. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et oui, il cherchait la bagarre. Je crois que j'ai fini. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stud Sterkel. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. On a réuni 50 personnes et on est allé au bureau d'aide sociale. On voulait rester jusqu'à ce qu'ils donnent les 100 dollars pour la vieille. Finalement, on les a obtenus. Prochain épisode, rencontre avec Willie Jeffries, une petite bonne femme qui a soutenu Roosevelt à chaque fois qu'il a été élu, et Harry Hartman, qui travaille comme huissier depuis 33 ans et demi. Aujourd'hui, si vous expulsez quelqu'un, non seulement il faut expulser les gens, mais il faut expulser 7 ou 8 associations qui veulent que le gars reste chez lui. Hard Times. Premier épisode. Avec Jackie Berroyer, Stud Sterkel, Thierry Bosque, Ben Isaacs, Marie-Ève Guittier, Mary Osley, et les voix de Mé Boada, Christian Pellissier, Georges Kless, Mimi Barthélémy et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déréthé, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cateau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.